As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7 Atrocity, Agent Steel, Satanic Warmaster, Ochos, Hang the Prophets, and more! Salutations, Sylvain Latour ici à la barre de Subversion, édition du 4 décembre 2015. Bienvenue encore une fois sur le stream de Underground Québec. Bien content des réactions qu'on a eues pour les deux derniers épisodes. L'émission, c'est-à-dire le site SoundCloud, fait état de statistiques éloquentes. Plus de 200 écoutes seulement pour les deux derniers épisodes. Alors, fort content des réactions. Au spécial BCI et World War III. Votre enthousiasme est fort apprécié. Donc aujourd'hui, on pourrait qualifier l'émission de régulière, un petit peu moins de travail, du moins, mais quand même passablement de détails. Aujourd'hui, oui, à la mi-temps, Stéphane Châtelain en entrevue. Un autre Stéphane. Celui-ci œuvre dans un groupe qui fait peur à Granby présentement, Hang the Prophets, qui travaille. On commence à travailler sur un vidéoclip. On va vous en parler plus en détail. On va survoler, du moins brièvement, auditivement ou en parole, quelques événements récents, dont la Messe des Morts, le Gala Gamic 2015. Et on va vous parler un petit peu de cette nouvelle association avec hurlemort.com, principalement le Hurlemort blog, dont l'instigateur est notre ami Guillaume Gagnon, alias Sinistros. Alors, plus en détail plus tard dans l'émission. On va commencer le bloc tout de suite avec deux formations québécoises. D'abord, autre chose qui ont été intronisées au musée du rock'n'roll dans le cadre justement de ce gala Gamic 2015. On a aussi Voivod qui reviennent tout juste, qui sont revenus hier en fait de leur tournée européenne. Et d'abord, une pièce d'un groupe de Los Angeles qui faisait partie du festival Banzai qui avait lieu en août 85. Une pièce que j'avais pas eu le temps de faire jouer la semaine passée dans le cadre de ce spécial 85 World War III. Donc, il faisait partie avec les Slayer, Metal Church et compagnie de ce festival au Palladium en août 85. Agent Steel avec, donc on va entendre une pièce de leur premier album Skeptics Apocalypse, soit la pièce Agents of Steel. Vous écoutez Subversion partout d'Abitibi-Ouest au Madagascar. Back in the day before Satan, the shield On va jouer une petite pièce pour vous faire danser. Ça vous va? Vous avez ça à danser? On y va avec The Proud! J'parle dans le vide, j'me tiens sur le stand-by. élevé. Tu vois les anges, faut l'entendre avant que tu sois content. The highway, tu vois serpent, faut le prendre pendant qu'il est encore temps. Tu vois les anges, faut l'entendre avant qu'il soit trop tard. The highway, tu vois serpent, faut le prendre pendant qu'il est encore temps. Des costumes, des maniaques sexuels. Je me tiens encore au Morrison Hotel. Y'en a qui crèvent en arrière des barreaux. Moi, je fais du temps en arrière du micro. Je vous paye un trip, je me vends dans le gros. Quand j'arrive plus rien à faire, je vais me laisser faire. Quand j'arrive plus rien à écrire, je vais jeter mes cahiers. Quand j'arrive plus rien à dire, je vais me mettre à chanter. Si je manque mon coup, je passe à côté. Je vais me pendre avec une ceinture fléchée. Oh, écho, écho. Bonjour. Bonjour. Jerry. Hey Jerry, c'est ça, Pana. Penses-tu que ils vont comprendre le message, c'est-tu? All right. Mesdames et messieurs, le rocker sanctifié, Lucien Francoeur. Félix Leclerc aussi est obligé de se sauver en France parce qu'on disait. C'est un mauvais Willy Lamotte. Il a colissé son camp. Moi aussi, j'ai colissé mon camp en 80. Je suis devenu chum avec Higelin. On a eu des belles années, mais je suis content parce que le Québec a échappé à l'intelligentsia. Il n'y a plus personne qui peut vous dire quoi faire. Vous pouvez, chacun d'entre vous ici, faire votre album chez vous, faire votre pochette, le sortir, le promouvoir, puis envoyer chier toutes les multinationales. On est beau, on est bon. Merci. Quel speech de ce grand penseur, ce poète, ce rocker sanctifié, Lucien Francoeur, avec son groupe Autre Chose, qui ont été introduits au musée du rock'n'roll dans le cadre de ce gala GAMIC 2015, le gala alternatif de la musique indépendante du Québec, la 10e édition. On a entendu la pièce En arrière du micro, une relecture de 2005 tirée de l'album Chanson d'épouvante, paru en avril de cette année-là. La version originale, évidemment, provenait du cauchemar américain de, d'octobre 1976. Avant, on avait eu Voivod avec comme invité spécial Jeff Walker de Carcass durant leur récent passage à la Cigale de Paris durant le Death Crusher Tour avec Napalm Death, Obituary, Carcass et compagnie. C'était en fait le 23 novembre et c'est toujours un plaisir de voir et d'entendre Voivod partager la scène avec d'autres figures connues du monde métal, entre autres Jason Newsted, Phil Anselmo, Dan Kubinski de Die Krausen et Jeff Walker évidemment. Ils étaient de retour, tout juste de retour hier de leur tournée européenne. Ça a été pas moins de 75 concerts en 2015 sur 3 tournées en Amérique et en Europe. Les groupes, évidemment, de cette tournée-là ont été accueillis comme des héros, particulièrement à Paris, 10 jours après les attentats. Voivod se trouvait alors à Leipzig en Allemagne, lors des incidents malheureux qui se sont produits. Dan Mongrain, sur sa page Facebook, a cité « C'est comme si le temps s'était arrêté pendant 6 semaines, tellement de gens rencontrés, des spectacles, des salles combles, des péripéties de lieux, des langages, la nourriture, la situation à Paris, la tête pleine d'aventures et de moments inoubliables. 35 shows, 15 pays en 38 jours, sans parler de plus de 23 000 km parcourus. » c'est vraiment cool ce qui se passe pour Voivod en 2015. D'ailleurs, on aura, on devrait fort probablement avoir Dan Mongrain en entrevue d'ici Noël. Alors, c'est à surveiller. Et début du bloc, on avait eu Agent Steel avec la pièce Agents of Steel parue sur, en fait, qui était tiré de l'album Skeptics Apocalypse paru en 1985. Avant de revenir sur autre chose, je voulais faire mention qu'un des membres de la reformation d'autre chose avec les membres de Voivod, Michel Langevin, Denis Piggy d'Amour et autres membres de Groovy Aardvark et Grimmskunk, Vincent Peake, lui-même s'est vu mériter le prix hommage, le Lucien prix hommage au Gamic 2015. Ça a été une grande surprise pour lui et voici sa réaction. Je m'en entendais pas, pas en tout, mais en même temps, je le mérite en esti. Jamais gagné de disque, jamais eu de bourse. On a tout fait nous-mêmes. On était endettés 75 000 $ à un moment donné. On a tout payé ça scène par scène. Je dois plus rien à quelqu'un. Je suis libre comme l'air. Et je suis content de faire la musique rock au Québec! Merci! Certes, un des grands rockeurs du Québec, Vincent Peake, amplement mérité cet hommage, n'en déplaise à monsieur, madame, tout le monde. Je voulais revenir sur autre chose. Parce qu'on était chanceux d'avoir eu au Québec, durant les années 70, des groupes comme Autre Chose, Offenbach, Octobre, Morse Code et d'autres choses plus obscures comme Dionysos par exemple. Sinon, le Québec aurait fait pâle figure dans le domaine du rock, du hard rock ou même du rock progressif. L'éclectisme de Autre Chose englobait tout ça et même plus, ayant une certaine influence sur différents mouvements musicaux subséquents. Dans le livre « L'évolution du métal québécois, tome 1 » de Félix B. Desfossés, on mentionne l'importance du groupe de Lucien Francoeur dans le maillon de l'évolution du métal au Québec. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que Autre Chose a eu une influence sur certains pionniers de la scène métal du Québec? Oui. Est-ce que par la bande, Autre Chose a contribué à l'évolution du métal québécois? C'est possible. Est-ce qu'Autre Chose a été un groupe important dans le développement du métal au Québec? Je ne pense pas. Peut-être dans l'attitude, malgré la rébellion contre l'establishment, d'avoir été l'antithèse à ce qui se faisait de populaire au Québec, de in au Québec, tout le côté champ gauche, ou simplement pour Jacques Racine lui-même, certes le membre le plus métal de la formation, mais personnellement, pour avoir interviewé bon nombre de musiciens, de pionniers ou ancêtres du métal québécois d'aujourd'hui, des groupes comme Kiss et Alice Cooper ont eu peut-être plus d'importance, voire été plus marquant sur leur création. Ce qui n'enlève rien au fait que Autre Chose a été un groupe essentiel au développement du rock au Québec et historiquement aussi, et mérite tout le respect de ses pairs et la reconnaissance du public. Je supporte entièrement la cause d'Autre Chose et j'ai personnellement essayé d'être présent à tous leurs spectacles qu'ils ont donné depuis la sortie du fameux coffret, qui est vraiment quelque chose à posséder, à revisiter. Je vous conseille fortement. Alors, qu'est-ce qu'on a après Autre Chose? On aura tout autre chose puisqu'on prend un virage drastique vers le death metal des années 90 avec deux pièces issues de ce qui, à mon avis, deux des meilleurs albums jamais parus dans le genre en Europe, soit les albums Tod Sehnsucht et Consuming Impulse. Donc, on va entendre Atrocity, les Allemands, et aussi les Hollandais de Pestilence. Mais avant, pourquoi pas un autre petit extrait de Vincent Peake, ce brillant personnage qui nous fait état de, qui nous parle de création et aussi de l'importance de la musique dans nos vies, dans notre quotidien. On a volé le micro de Éric Parazin. Il y a plein de choses qui changent dans l'infrastructure, mais ce qui ne change pas, c'est l'amour de la musique, c'est la création. Elle est faite de toutes sortes de façons, toutes sortes de styles. Mais ce que tu te rends compte, c'est que dans la vie, tu as 8 notes puis 4 demi-notes. On joue avec ça depuis toujours. C'est la façon que tu les transformes, que tu les agences, que les sons que tu y mets qui font que tu te distingues. Et ce qui me fascine avec ça, c'est que depuis le rock'n'roll, comme 55 ans, 60 ans, on est encore surpris par des bands ou des artistes qui sont capables de nous ramener ces 8 notes-là d'une façon nouvelle. Et cette roue-là ne va jamais finir de tourner. Tant qu'il y aura de la création, la musique va être bien et la musique adoucit les meurtres. Et ce qui est arrivé en France, peut-être que ces gens-là auraient eu intérêt à écouter un peu plus de musique. Lenny Moderate disait ça l'autre jour. Peut-être qu'ils écoutaient un peu plus de musique, on serait peut-être un peu plus heureux dans la vie. Moi, je fais partie de la solution et non du problème. Fait que dans ce sens-là, je suis heureux où est-ce que je suis. Son of a boy, whatever good was born. People, keep your soul.

vient d'entendre la formation Pestilence de Hollande avec Defy Die Master. Très bonne pièce de l'album Consuming Impulse paru en 1989. Deuxième album où on pouvait entendre Martin Van Drunen, le vocaliste qu'on a connu aussi avec Asphyx, le projet Comic Con et plus récemment Hail of Bullets de Rotterdam. Avant ça, on a eu Atrocity avec Unspoken Names de leur deuxième album également, Todesensucht de 1992, qui est pour moi encore possiblement le meilleur album de death metal de tous les temps, qui s'appelait Longing for Death pour la parution américaine subséquemment. On va avoir l'entrevue avec Stéphane Châtelain de Angle of Prophets après cette pause. When it comes to video games, nobody compares to Atari. I find Intellivision more sophisticated and lifelike. Gentlemen, move over for my friend Vic. The Commodore VIC-20. Move over. The Commodore VIC-20 does more than your machines. It's a great computer that also plays great games. Like this, and this, and this. A computer that plays great games? Under $300? Exactly. Commodore VIC-20. Coming soon. Commodore brings you Gorf, the Wonder Arcade Game, and Omega Race in home versions. Ça alors, on n'arrête pas le progrès. Voici le segment consacré à Angle of Prophets, cette formation de Granby qui existe depuis 2013, avec dans ses rangs le vocaliste Stéphane Châtelain, le guitariste Yves Parent, le bassiste Delroy Chang et le batteur Jacques Bélanger, qui proviennent de tous les acabis en fait de la région de Granby. Il va nous en parler un petit peu plus longuement, ainsi que du making du vidéoclip de leur tout nouveau single The Universal Church of Blasphemy dans l'entretien qui suit. Ma première question, d'abord, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Angle of Prophets, comment pourrais-tu décrire ce projet-là? Parce que semble-t-il, ça serait comme un collectif de musiciens qui ont œuvré dans des groupes, dans plusieurs groupes, en fait, de la scène de la région de Granby. Oui, on peut dire ça, mais on peut surtout dire que c'est quatre chums qui se connaissent depuis toujours. Écoute, Yves, c'est comme mon frère depuis qu'on a 14-15 ans. Le drummer Jacques, je le connais depuis l'école primaire. Delroy Chang est un petit peu plus jeune que nous autres. Il est genre peut-être 3 ans plus jeune que nous autres. Donc à l'époque que j'étais dans le slum, lui avait environ 15 ans. C'est devenu un chum lui aussi. Il a même joué dans le slum là, à la fin du groupe là, comme deuxième guitariste. Il est allé se voler une guitare dans un magasin de musique ici à Granby. Puis... Fait que c'est vraiment plus ça. Écoute, j'ai joué avec Yves dans un hommage à Black Sabbath pendant 7-8 ans aussi. J'ai joué dans plein de groupes avec Jacques. Avec Jacques et Delroy Chang, on a fait Old School Punk pendant 11 ans, qui était un genre d'hommage au hardcore et au punk des années 70-80. C'est un collectif de musiciens que, comme tu as pu constater sur la bio, disons, électronique que je t'ai envoyée, c'est du monde d'expérience. Tu sais, ouais. Malgré notre moyenne d'âge entre 41 et 45, on est entre 25 et 30 ans de carrière ouais. Underground. Ouais. Je sais pas qui va nous fêter ça, là, mais en tout cas, c'est pas mal ça. Nous autres, on est comme des vieux de 40 ans qui jouent au hockey. Qui ne veulent pas arrêter parce qu'ils aiment ça. Quand tu joues au hockey, tu dépenses de l'argent pour aller à tes tournois, pour payer tes inscriptions, payer ton équipement. Fait que si tu te mets à regarder tout le temps, là, que, hey, je ne fais pas de l'argent avec ça, j'en dépense, blablabla. Ouais. Écoute, là, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? écoute, si ça serait le cas et tout, on se serait découragé vite parce que je te dirais que ce que je constate, moi, j'ai fait beaucoup de booking à Granby aussi. Ouais. Puis là, en me promenant avec un nouveau band, puis en plongeant un peu dans scène underground, c'est comme pas rare que tu fais un show pis il y a ces 15-20 personnes, les bras croisés qui regardent pis que, dans le fond, il y a 4 autres bands, fait que ces 15-20 personnes-là, c'est les, ça sera des autres bands. C'est pas super, là, tu sais. Si tu penses faire une carrière avec ça, change de métier, là, tu sais. Ouais. Mais vous êtes quand même au stade, en ce moment, de réaliser un vidéoclip. Oui, ben c'est ça, ça commence, oui. C'est un drôle de hasard, là, on commence ça ce soir. C'est pas mal moi qui s'occupe de ce projet-là avec un autre de mes amis de longue date, Yves Rivard. C'est un gars qui a tout le temps trippé sur le cinéma, il est impliqué dans le Festival Fantasia, il écrit des critiques dans plusieurs magazines que je saurais pas te nommer, là. Mm-hmm. Mais ça fait longtemps qu'il est passionné de ça, autant que nous, on est passionné de musique. Puis là, il commence à avoir un équipement pas pirement sérieux. Le but premier de ce vidéoclip-là, c'est de vraiment choquer, puis que ça fasse parler du band à cause de ça. Il n'y a plus de musique plus, il n'y a plus de noche music, ça joue un vidéoclip. C'est plus vraiment une carte d'affaires, si tu veux, ou de quoi pour te promouvoir, tu sais. Fait que tant qu'à ça, on va s'arranger pour que ça soit pas regardable puis que ça soit censuré partout. On va parler de nous autres. Fait que il y a plusieurs manières de faire passer un message, tu sais. On peut y aller avec le très choquant, avec de quoi plus smooth, mais le même message va passer pareil. Moi, je veux y aller la pédale au fond, le très choquant tout le temps. Là. Mm-hmm. Mais le berne, on essaye de baser ça comme sur un concept. C'est un berne, oui, mais c'est comme une secte en même temps. Là, c'est, tout le monde est curé de ce qu'on vit. Là, c'est le No Future du punk. Y a-t-il une raison là, de... Il y a-t-il une raison d'exister dans une société comme ça, là? Ouais. Tout le monde réalise que tout est tout croche, tout est... Tu sais, là, faut tout raser pour commencer, là. Ça sert à rien, là. Alors, là, ce single-là de Universal Church of Blasphemy est disponible sur Bandcamp et votre EP également, c'est bien ça? Je ne sais pas si on va sortir en version physique, là. On en parle encore. Justement, peut-être qu'il y a un effet que la vidéo se fait censurer partout. Peut-être que ça vaudrait la peine de sortir comme... Je sais pas s'il y a un single de tunes, là, tu sais. Ouais. Même si tu mets une vidéo dessus pour qu'au moins il soit disponible quelque part, ça bougerait-tu, là, tu sais. Ça se vend-tu encore des CD, là? Le fait que, le single soit dans nos dates gratuit. Oui. Déjà, il s'est beaucoup plus promené, là, en fouillant sur Google. J'ai trouvé, les sites au Japon qui l'ont mis en ex-URSS, en Allemagne, ah, tu sais, oui. Là. Fait que c'est trippant, là, tu sais. Ben, voir que ça bouge un peu, c'est comme dans, le bon vieux temps des années 80-90 qu'on chipait nos cassettes partout. Là, ouais, ouais. En tout cas, on aura peut-être quand l'occasion de vous voir à un moment donné en concert. Oui, écoute, c'est sûr que je te dis, on court pas après ça, mais je vais peut-être revenir à un moment donné. Là, personne va me faire des shows à 15-20 personnes, mais écoute, à date, là, je te dirais que notre premier show à Granby, c'était avec Cryptopsy, puis tu sais, tout de suite, il y avait du monde, puis tout de suite, là, les gens... Quand on parle de ça, là, on voit quasiment mon choix tomber. Oui. C'est, le monde est là. OK. Ça rend fou. Fait que c'est le fun, c'est encourageant pour ça. Puis les jeunes aussi viennent voir et ils nous le disent, là, tu sais. Ben c'est ça. Bonne chance à ton nom. Puis merci de laisser une petite place à la relève du Québec. Ça fait plaisir. All right. À la prochaine. Yep. Bye. Hang the Prophets, formation de Granby, avec leur dernier simple, The Universal Church of Blasphemy. Un simple paru il n'y a pas très longtemps, cette année. C'est disponible sur Bandcamp, de même que leur EP Hang the Prophets, paru aussi en 2015. L'émission s'achève déjà. On va entendre deux formations de black metal qui se sont produites à la récente édition, la cinquième, de la Messe des Morts. Ça se produit au Théâtre Plaza et aux Catacombes de Montréal du 26 au 28 novembre dernier. Il y avait environ 20 formations présentes et ça semblait vraiment beaucoup plaire aux amateurs du genre, de ce qu'on en a entendu. Donc, on va entendre Satanic War Master et Jevura, formation montréalaise. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner le gagnant dans la catégorie Heavy Album, Album Heavy de l'année, au récent gala Gamic 2015. Il s'agit de Sandvice avec Scream Queen. Amplement mérité, je pense, dans leur cas. Il semble avoir beaucoup de succès dans leur genre. C'est un genre de stoner heavy metal. En passant, pourquoi ils ont supprimé la catégorie metal et ont fusionné dans la présentation? Ils ont, comme un petit malaise en entendant dans la même catégorie Karaté et Reanimator. J'ai pas compris. Et justement Reanimator qui ont semblé pourtant avoir récolté les applaudissements les plus généreux lors de la brève présentation. Donc je sais pas si c'est à se questionner, mais bref, bravo à Sandvice pour le prix du album heavy de l'année. C'est ainsi qu'on se laisse avec Satanic War Master, la pièce sera Corpi, ainsi que Jevura avec The Essence Unbound de 2013. Revenez-nous la semaine prochaine. Surveillez la page Facebook, la page SoundCloud pour les dernières balado-diffusions et aussi sur hurlemort.com/subversion où vous pourrez trouver dorénavant tous les épisodes précédents. Alors surveillez cette alliance avec cette nouvelle alliance avec hurlemort.com, le blog de Guillaume Gagnon, et les développements de cette grande inquisition contre la musique populaire. Salut! Québec Radio. Let's play.